Thank you. Ouais, je suis là. Bah oui, la dernière fois, Noël, ouais, écoute, t'as commencé le sein gauche, c'est une catastrophe. Non, non, le sein droite. Ok. Ouais, qui vole. Ok, comme ça, ouais. Oh putain. Oh putain. T'es petit, hein. Ah ouais. Oh, ça va être formidable. Allez. Demain, c'est votre défaite, je crois que c'est votre madame, c'est l'autre cause de la politique.